plus en plus triste. Quand la nuit revient me dire des mots qui me parlent de toi, quand les heures passent lentement sur ma vie qui résiste, je ne comprends toujours pas pourquoi tu n'es pas là. Quand le jour vient avec le gris d'un complet de ministre, quand la vieille ville se remet à dormir en plein jour, quand mon cœur ne rythme plus avec la chanson de l'artiste, je ne comprends toujours pas pourquoi tu n'es pas là. Je dis des mots d'amour à qui veut les entendre, des mots si tendres, des mots qui font rêver. Des mots si tendres.